Vous êtes bien sur Radio Fagette, il est 15h17 dans l'émission La Vie Punk. La Vie Punk, une émission qui vous présente des thèmes et des nouvelles musiques ainsi que des mouvements. Bien le bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter du mouvement hippie. On va commencer par quelques petites news / événements sur Nancy. Ensuite, on va vous présenter le mouvement et on va vous faire écouter les musiques qu'on a choisies et comment on les rattache au thème. Eh ben écoutez, pour commencer par les news, moi je vais vous parler de, du coup, la Musgueule. Alors la Musgueule, ça se déroule sur Nancy du 6 au 14 avril. Donc au programme, on a des concerts, des expos nocturnes, des conférences, des visites d'ateliers. Donc c'est à travers tout Nancy. Leur Insta, du coup, c'est @rencontreurbainenancy. Parfait, c'est comme le titre du truc. Oui, sauf que t'as dit la Musgueule, tu t'es trompé. C'est pas la Musgueule, c'est Rencontre Urbaine à Nancy. J'ai fourché. Et par contre, la Musgueule, ça se passe à la MJC Lillebonne, c'est le samedi 20 avril, et c'est de 18h30 à minuit 30. Alors la Musgueule, c'est un événement du coup qui a été organisé par la MJC. Au programme, nous avons des festivals de musique, avec à l'affiche de nombreux groupes comme Pouf Pouf et Pantoufle, Tardi, Rodeur et Fred & Sheila. Il y a également des expositions artistiques d'artistes étudiants nancéens, donc un événement à ne pas louper si vous êtes fervus d'art et de musique. Et enfin, l'expo Cucu la Praline, qui a lieu jusqu'au 24 mai, se déroulera au 111 rue Charles III à Nancy. Oui, c'est une expo qui se déroule à l'atelier My Monkey. Ils ont également un shop juste à côté où vous pouvez acheter de nombreuses affiches et de nombreuses créations des artistes qui travaillent dans l'atelier. De quoi on va parler aujourd'hui ? Nous allons parler du mouvement hippie, comme on l'a dit précédemment. Alors Lina, dis-nous, qu'est-ce que le mouvement hippie ? Donc, le mouvement hippie est un mouvement de contre-culture qui est apparu dans les années 60 aux États-Unis et donc qui s'est ensuite diffusé dans le reste du monde occidental. Les hippies sont en grande partie issus de la jeunesse née en après-guerre. En après-guerre, voilà. Et qui rejetaient les valeurs traditionnelles, le monde de vie de la génération de leurs parents. Et ils étaient issus de la classe moyenne supérieure. Parce qu'ils pouvaient quand même voyager beaucoup, donc ils avaient les moyens. C'est vrai. Mais ils avaient de nombreuses revendications, notamment le fameux discours un peu « faites l'amour, pas la guerre ». Donc il y avait vraiment une volonté de changer le monde. Avant tout, ils prenaient la liberté et la non-violence, donc c'était un mouvement pacifiste. C'était avant tout des militants radicaux, pacifistes, comme je l'ai dit juste avant, qui d'ailleurs notamment brûlaient leurs papiers militaires pour éviter d'être envoyés au Vietnam. Donc le message est quand même assez fort. Ils se réunissaient tous donc pour la paix. Et c'était un mouvement quand même qui a beaucoup intrigué la presse de par leur style assez... on va dire caractéristiques, notamment. Ouais. On pense toujours à leur style, aux vêtements, aux musiques même. Et leur mouvement et leurs revendications principales, ils étaient contre la guerre au Vietnam. Donc c'était quand même des marginaux et qui prenaient aussi leur sexualité et leur usage de psychédéliques. Mais on parle beaucoup des hippies en Amérique, mais on parle pas assez des hippies en France. C'est vrai. Ben, ça a pas trop tardé, hein. Le mouvement hippie, il est né dans les années 60 comme t'as dit. Et ça a pas tardé plus que ça, parce que dans les années 70, on a beaucoup, dans le sud-ouest, voire le centre-ouest, beaucoup de villes qui ont commencé à devenir des hauts forts en France pour les hippies, telles que Toulouse, Bordeaux, Nantes, avec plein de festivals qui prônaient justement le fait d'être un hippie. Ça a été très très mal vu. Oui. De la part de certains partis à l'époque, tels que le Front National. Et puis maintenant, c'est un peu pas mort, j'ai envie de dire. Il y a toujours les communautés qui sont là. On va dire que ça a évolué plutôt. C'est plus les mêmes ambiances qu'avant. Avant, c'était un festival qui pouvait réunir des milliers de personnes tout autour du monde. Maintenant, c'est plus, on va dire, local, où les gens de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes savent que ça se passe et les gens qui sont intéressés viennent. Mais... personnellement, moi, je savais pas qu'il se passait des trucs là-bas comme ça, hippie. Ouais. Pour moi, c'était très centré Amérique. Mais figurez-vous que pendant mes recherches, j'ai découvert qu'il y en avait en France. On découvre tous les jours. Ouais. Comme quoi, la France, c'est un beau pays. Mais oui. On va tout de suite, du coup, passer aux différentes musiques. La première musique qu'on a choisie, c'est Summertime. Présente à nous, Lina. Donc, Summertime est une chanson de Janis Joplin qui est sortie en 1968. Eh ben, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va tout de suite l'écouter. Allons-y, c'est parti. Toujours bien sur La Vie Punk de Radio Fagette. La Vie Punk, une émission qui vous présente des mouvements et des styles en musique. On vient d'écouter Summertime de Janis Joplin. Joplin, pardon, excusez-moi. Bon, écoutez. Un bon accent français pour un bon français. Joplin. Écoute, est-ce qu'on va s'en plaindre ? C'était une musique choisie par Lina, tu peux nous en parler un peu ? Alors, donc en fait, Janis Joplin, j'ai découverte grâce à mon père. Et c'est en baladant dans cette discographie pardon, que j'ai découvert cette chanson et voilà, j'écoute régulièrement et j'aime trop. Une voix poignante pour Janis Joplin. Ah mais vraiment. Je sais pas si t'es au courant, mais Janis Joplin, elle utilise sa voix et elle a construit un petit peu sa voix, notamment grâce à ses expériences d'enfant de chœur à l'église. Donc du coup, c'est vrai qu'elle utilise beaucoup de falsetto et ça vient de là. Et elle a beaucoup d'inspiration plutôt plutôt tout ce qui est funk, tout ça, ouais. avec une voix vraiment plus rock'n'roll, on oui, peut dire oui, ça oui. comme ça. Et ça, c'est de toutes ses influences. Elle aime beaucoup les mouvements afro-américains. Ouais. Oui. Voilà, voilà. C'est fou de se dire que je connais vraiment plein de gens qui, de base, démarrent dans tout ce qui est enfant de cœur, genre très religieux, et qu'au final, ils se retrouvent dans des trucs comme le rock, le hippie, qui n'a pas, qui critique, mais qui, bon... Un petit peu quand même. Qui est ouais. un peu l'opposé, quoi. C'est vrai que la place du divin dans le mouvement hippie, bon, bah, c'est pas... C'est pas ça. Ouais. On va passer à une musique que moi j'ai choisie. Donc c'est une musique des Pink Floyd. Ah, les Pink Floyd. Les Pink Floyd. De, bah, du coup, c'est Money de l'album The Dark Side of the Moon. Que je savais pertinemment. Je vérifiais s'il suivait. Voilà, et bah, on va l'écouter tout de suite. Thank you. definitely was in the right. Vous êtes toujours bien dans l'émission La Vie Punk de Radio Fagette, l'émission qui vous présente un style et un mouvement en musique. On vient d'écouter Money de Pink Floyd. Je sais pas que... Bah, Moni, oui, moi je trouve que c'est une musique pertinemment choisie, car elle reflète vraiment l'aspect, justement, on rejette tout ce qui est capitalisme et tout, l'argent ce n'est pas pour nous, que du love, que de l'amour, avec beaucoup de cynisme et d'ironie, comme dirait un grand homme. Puis c'est très psychédélique, comme dans la plupart des musiques du mouvement hippie, donc ça représente parfaitement le mouvement. C'est vrai que Pink Floyd est quand même un des groupes auxquels on pense quand on parle du mouvement hippie, ou alors des années 70 même en général. Oui. Puis rien qu'avec une histoire assez représentative de la période, avec des membres du groupe partis, disparus, d'autres morts d'overdose. Bon. Ça représente bien la période, ses côtés positifs et négatifs. On va enchaîner tout de suite avec une autre musique. Je te laisse présenter parce que c'est ton morceau. Oui. Cool. Donc moi j'ai choisi une musique du groupe un groupe américain qui a été formé en 1959 qui est Creedence and the Clearwater Revival. Donc j'ai choisi leur musique, on va dire la plus connue, je pense. Un titre qui est assez connu, mais dont peu de monde connaissent l'histoire, je trouve. Donc on va l'écouter et puis je vais la présenter un petit peu plus après. Vous êtes toujours bien dans l'émission La Vie Punk, l'émission de Radio Fadjet, une émission qui vous présente un mouvement, un style en musique. On vient d'écouter Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, une musique choisie du coup par Alina qui va nous parler de son histoire. Oui, alors du coup, comme tu l'as dit, Fortunate Song, c'est une musique de Creedence Clearwater Revival. Alors c'est un groupe américain qui a été formé en 1959 et qui s'est dissous en 1971. Donc vraiment déjà peu de temps pour un groupe et vraiment qui a couvert une bonne partie de la période hippie. Donc ils ont fait partie du line-up du Woodstock 69, donc quand même un événement assez phare. Et d'ailleurs, c'était l'un des premiers grands noms qui a été annoncé au Woodstock. Le groupe est assez connu pour leurs airs de blues, country et bien sûr de rock slash rock folk. Ce titre, il a été écrit par Fogerty, mince, excusez-moi. Et il est issu de l'album Willie and the Poor Boy de 1969. Donc le son a pour but de dénoncer les fils de familles aisées américaines qui, eux, arrivaient à échapper à la guerre du Vietnam, là où les moins aisés partaient. Donc du coup, le chanteur sait de quoi il parle puisqu'il a fait son, il a fait une partie de son service militaire au Vietnam. Au Vietnam, exactement. Donc évidemment, ce titre, il est assez explicite et il va être utilisé en hymne durant de nombreuses manifestations durant le mouvement hippie. C'est fou quand même que plein de... J'ai l'impression que grâce à la guerre du Vietnam, le mouvement hippie est né. J'ai l'impression que plein de musique de hippie... C'était le but du mouvement hippie, c'était dénoncer la guerre. Mais c'est vrai que c'est beau, qu'est-ce qui en a découlé. Voilà, c'est comme ça, je me fais les remarques. Non, c'est vrai, quoique, comme quoi, même s'il y a des événements horribles qui arrivent, les gens arrivent quand même à se souder entre eux et puis à partager des bons moments, des bonnes musiques. Et à créer de belles choses. Exactement, comme quoi il y a toujours de l'espoir. Exact. On peut passer du coup à la musique choisie par Lina, qui est Sunshine of Your Love. De Cream. Oui, effectivement, et qui est sortie en 1967. Et elle a d'ailleurs été reprise par Jimi Hendrix, qui a participé à Woodstock. Voilà, au festival Woodstock. Et ben on va l'écouter tout de suite. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. Been waiting. Vous êtes toujours bien dans l'émission La Vie Punk, l'émission de Radio Fadjet qui vous présente un mouvement, un style en musique. On vient d'écouter Sunshine of Your Love de Cream. Une réaction à chaud ? Incroyable. Fou. Que du love. Que du love, franchement. Ça représente bien le mouvement hippie. C'est vrai qu'on a quand même pas mal parlé de thèmes assez lourds, l'argent, le capitalisme, les gens envoyés au Vietnam. Là, c'est ça, l'amour. Bien. Ouais, franchement. Amour, tout ça. Sunshine of Your Love. C'est donc une chanson que mon père fait découvrir, encore. Il me fait découvrir beaucoup de chansons. Et voilà, je l'apprécie énormément. Et voilà. Très belle chanson. Oui. Et bah, on va passer tout de suite à la suivante. Avec grand plaisir. Encore du Janis Joplin avec Ball and Chain, décidément. Mais quand même, Janis Joplin, une figure assez importante du mouvement hippie. Donc, c'est bien de lui faire une tribute, comme on dit. Hommage. Un hommage, c'est vrai. Mm. Eh bien écoutez, moi je vous propose qu'on écoute tout de suite. Allons-y, c'est parti. Wow. Toujours sur La Vie Punk, une émission de Radio Fagette, une émission qui vous présente un style et un mouvement en musique. On vient d'écouter Ball and Chain de Big Brother and the Holding Company, soit le groupe de Janis Joplin. Alors c'est une reprise du titre original de Big Mama Thornton et Janis Joplin ne cessera de lui rendre hommage durant sa carrière. C'était une femme assez forte et notamment dans cette chanson, elle évoque une souffrance mais aussi une révolte envers les critères sociaux imposés aux femmes de l'époque. Dans cette musique, Janis Joplin détruit les normes des femmes de l'époque à travers un chant violent et passionnel, donc notamment grâce à l'utilisation de plusieurs voix, notamment sa voix un peu soprano, comme on a dit tout à l'heure, appris lors de ses années de jeunesse à l'église, et une voix plus rock qu'elle va découvrir à travers ses années de musique. Bah, c'est incroyable, Janis Joplin, j'adore vraiment. C'est vrai que c'est quelque chose. Moi, perso, je ne connaissais pas, mais c'est sympa. Découverte. Franchement, ouais, je pense que je réécouterai en rentrant à la maison. Tu penseras à nous. Ouais, tu penseras au mouvement hippie. Tu te diras, tiens. Je serai là en mode. C'est sympathique. Passe-moi la dernière musique. Ouais, et on va écouter Strawberry Field Forever des Beatles. Incroyable. Donc. Là, on est dans le psychédélique. Donc c'est une musique qui a été écrite en 1667. Donc moi je propose qu'on l'écoute et qu'après on fasse l'histoire directement. Comme ça, allons-y. On suit toujours la même continuité. Tip-top. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. I disagree. Let me forever. Toujours bien dans La Vie Punk, une émission de Radio Fadjet, une émission qui vous présente un style, un genre en musique. Et aujourd'hui, on vous a présenté du coup le mouvement hippie. Voilà, on débrief avec la dernière musique et puis on vous dit un petit mot de la fin. On vient d'écouter Strawberry Fields Forever de The Beatles. Pourquoi Strawberry Fields ? Parce que c'était l'orphelinat armé du salut où Léonon passa son enfance. C'était dans la petite ville de Liverpool, voilà. Donc du coup, pour un peu rendre hommage et retrouver une certaine nostalgie, fait cette musique. Cette musique qui quand même représente vachement tout ce qui est le mouvement psychédélique en musique. Oui, oui. Bah, c'est très clairement. C'est vrai que bon, les Beatles, qui étaient quand même un groupe très très pop, c'était le boys band, c'était l'arrivée des groupes pop en Amérique, qui d'ailleurs se sont en plus qui ont vite arrêté les tournées pendant le mouvement hippie. Mm. Là, ont quand même un peu, ils se sont raccrochés à la vague et je trouve que ça leur va étonnamment bien. Et je pense moi être limite plus fan de leurs travaux. De tout ce qu'ils ont fait durant un peu ces expérimentations, oui. Et même ce que John Lennon a fait après, bon, avec Yoko Ono, ça se discute, mais moi, je préfère que leur mouvement un peu plus pop. J'aime tout. Perso, moi, j'aime beaucoup le passage où il est avec Yoko Ono et tout. Moi, C'est vrai. J'aime pas mal, personnellement. Ouais, je préfère plutôt à cette période-là. Donc, voilà. Moi, j'aime bien les deux, donc. Alors, on débattra sur le chemin du retour, écoutez. Merci d'avoir écouté. Exactement, on vous redit encore une dernière fois, c'était La Vie Punk, une émission qui vous présente un genre, un mouvement, en musique.